L'actualité à Nancy et ailleurs. Troisième édition d'une marche de protestation dans une forêt communale menacée par un projet de carrière sur Tuyaux, Groseille, Germigny et Viterne. Cécile Deblic, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du collectif TGV, donc pour Tuyaux, Germigny et Viterne. Expliquez-nous un peu la situation sur ce secteur. Mais écoutez, depuis 2010, même si nous, on en a eu l'information que lors de la première enquête publique en 2015, un carrier important, hein, puisqu'il s'agit du rassemblement des deux plus gros carriers mondiaux, et c'est la Société des carriers lorrains, souhaite créer une carrière de calcaire à ciel ouvert au cœur de nos forêts communales qui se touchent entre Germigny, Tuyaux et Viterne pour le chemin d'accès. Évidemment, nous sommes contre ce projet pour un certain nombre de raisons, à la fois des raisons de santé publique et des raisons écologiques évidentes. Donc c'est 40 hectares qui sont concernés par ce projet de carrière, c'est ça? C'est ça, 40 hectares de forêt menacée. Et je peux vous dire, pour faire la marche de protestation, pour l'avoir fait deux fois de suite et marcher dans cet espace-là, c'est énorme. C'est un espace énorme qui va être privatisé et ensuite on va abattre 12 hectares la première année, 12 hectares 5 ans plus tard. C'est un vrai massacre écologique. Et pour l'heure, la préfecture a donné son autorisation, donc on a été obligé de se pourvoir en justice, on attaque les arrêtés du préfet, les arrêtés d'autorisation du préfet. Voilà, parce que c'est un projet qui date donc depuis 2010, hein, vous l'avez dit, avec quel objectif de date pour commencer justement cette carrière si on n'arrive pas à l'arrêter? Leur objectif à eux, c'était initialement, ça aurait dû démarrer en 2016. Oui. On était déjà en collectif, on n'était encore pas en association. Au final, les services de l'État ont regardé de plus près le dossier et ont fini par se rendre compte qu'il y avait un problème dans le dossier, donc ils ont repris leur copie. Et donc là, ils espèrent... alors, je ne suis pas à la place du patron de la SCL, mais on peut imaginer que l'autorisation ayant été accordée au mois de septembre dernier, ils pourraient abattre les arbres au mois de septembre prochain. Ils ont deux mois dans l'année où ils peuvent abattre sans trop de risques pour l'environnement et commencer les travaux dans la foulée. Il y a urgence à faire connaître, il y a urgence à ce que les gens nous soutiennent, que ce soit en nous rejoignant à une marche de protestation, par exemple, en allant sur notre page Facebook Collectif TGV, en un seul mot, en relayant l'information, en faisant un don, en adhérant au collectif. On peut trouver tout ça sur la page Facebook. Quelle démarche vous avez accomplie, du coup, pour freiner, voire arrêter ce projet? Notre objectif est de l'arrêter, le projet. Bien sûr, oui, j'imagine. Ça l'a freiné. Ça l'a freiné, c'était effectivement d'alerter le préfet, d'alerter les gens. Et donc, on a, à l'époque, pu permettre que soit mis le doigt sur des choses qui n'allaient pas. On a fait un gros travail militant depuis en reprenant la copie présentée en 2019, là, en début 2020. On a dénoncé un certain nombre de choses dans l'enquête publique, mais ça n'a pas été suffisant pour que le commissaire enquêteur émette un avis défavorable. Il a mis un avis favorable avec 4 restrictions. 4 réserves, c'est rarissime. Normalement, souvent, ça devient un avis défavorable. On peut dire que le commissaire enquêteur a été sensible au fait qu'il y a quand même des problèmes avec ce projet-là. Là, j'évoquais les problèmes écologiques. Les problèmes de santé publique, c'est qu'on est en zone de protection éloignée d'un captage pour la commune de Tuyaux-Groseille, c'est-à-dire pour toute la population n'est desservie que par ce captage-là. Et on est juste sur sa zone de protection éloignée. Et il va y avoir une rotation. Imaginez que quand la carrière sera en activité, il faut imaginer que c'est une rotation de 70 camions jour, à peu près, qui sont au taquet de ce qu'ils annoncent. Hein. S'ils sortent 300 000 tonnes de calcaire par an, ils vont plonger jusqu'à 13 mètres dans le sous-sol pour atteindre la roche, dans certains endroits. Donc c'est vraiment un très gros massacre. Et ça met en danger le captage. On imagine bien que ces rotations de camions, il peut y avoir un accident, c'est évident. Et on est au-dessus du captage. Alors pour vous soutenir, on peut déjà se rendre sur votre page Facebook, Collectif TGV, mais vous avez aussi organisé, et ce sera la troisième édition, des marches de protestation dans cette forêt communale pour montrer concrètement et sensibiliser encore plus. Donc quiconque peut venir participer à cette marche ce dimanche 14 mars? Oui, complètement. C'est une invitation à venir voir de quoi est faite cette forêt et pourquoi c'est une aberration de la supprimer, là où le carrier d'ailleurs ne démontre pas du tout qu'il en a vraiment besoin. On a plein de carrières dans le coin. Vous pouvez vous promener, Pont-Saint-Vincent, Bainville, Mézières, on a des carrières tout partout, il y en avait même une à Germigny qui sont en train de fermer. Nous on invite les gens à venir à la fois protester et en même temps découvrir cet espace magnifique qui est un espace de biodiversité avec des arbres remarquables, avec des arbres qui sont des vrais réservoirs de biodiversité à une époque où la biodiversité est en danger. Oui. Donc rendez-vous dimanche 14 mars, dimanche prochain, à 10h, devant la salle polyvalente du village du Tuyau-Groseille. Eh bien, Cécile Deblic, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, en tous les cas. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.